Le ministère syrien des Affaires étrangères et de l'immigration a publié le 13 courant une déclaration en faveur de la position de principe de la Corée socialiste en matière de sauvegarde de la dignité nationale et de réunification indépendante du pays. En outre, le comité Suisse-Corée et le cercle suisse d'études des idées du Juche ont lancé le 14 une déclaration conjointe contre les menées insensées des États-Unis visant à étouffer la République populaire démocratique de Corée.